Vendredi 2 novembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et déjà, on amorce le mois de novembre et on commence à penser bilan, à penser fin d'année. J'ai déjà commencé à recenser ça et là, des prix annuels, des récompenses. Donc, on sent qu'on est dans le dernier droit d'ici 2013. Et d'ailleurs, en fait, ces deux prix qui ont été donnés récompensant les meilleures BD de 2012, c'est notamment le prix de la BD du Point, qui est un magazine, en fait, européen, qui a lui récompensé la bande dessinée d'anticipation de Frédéric Peters à Hama. Donc, une bande dessinée qui raconte les voyages d'un homme amnésique et d'un singe robot dans un monde futuriste. Tome 2 qui vient tout juste de paraître de cette série. Et parallèlement, il y a également le prix Landerneau 2012 qui a été donné. On a parlé de cet album-là il y a deux semaines dans la chronique de Marco Duchesne, La Grande Odalisque. Et donc, c'est cet album de Bastien Vivès, Florent Rupert et Jérôme Mulot qui a été récompensé. On vous le rappelle, en fait, c'est un peu une réinterprétation moderne du mythe de la cambrioleuse féline. Alors, des cambrioleuses de haut vol qui sont capables d'aller voler n'importe quel tableau dans un musée. C'est un peu l'univers dans lequel nous amenait donc cette bande dessinée, La Grande Odalisque. Alors ben voilà, on verra évidemment au fil des semaines et au fil des mois. En fait, faut quand même pas non plus commencer à se dire dès maintenant que l'année est finie, il reste encore un petit bout à faire. Eh ben, on suivra évidemment ces prises et récompenses qui peut-être viendront influencer également les lectures qu'on fera au cours également des prochaines semaines et des prochains mois. Mais pour l'instant, l'émission de ce soir, qu'est-ce qu'on vous propose? Eh bien, justement, beaucoup de lectures, beaucoup de propositions de lecture, beaucoup de collaborateurs qui seront de passage avec leurs commentaires BD. Notamment, il y aura Marco Duchesne qui sera avec nous en fin d'émission. Également, Anne-Marie et Olivier qui sera avec nous dans quelques instants. Alors, toujours avec des beaux regards sur la bande dessinée. Également, on ira lorgner dans la sphère à Angle puisqu'on continue d'accompagner Mathieu Place dans sa découverte de cet univers. Alors, on ira jeter quelques coups d'œil sur des univers un peu lo-fi, peut-être ceux aussi de James Kochalka et également vers Best American Comics. Alors, il sera avec nous tout à l'heure. Et également, Thomas-Louis Côté va être avec nous tout à l'heure aussi. Lui revient d'Europe. Il était de passage à Saint-Malo pour l'événement Quai des Bulles, un festival extrêmement important de bande dessinée en Europe. 500 auteurs qui étaient réunis là-bas. Beaucoup d'éditeurs également. Alors, qu'est-ce qu'il en retient? Qu'est-ce qu'il en garde? Eh bien, on va en jaser avec lui, donc autour de 6 heures. Alors voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Et sinon, côté musique, on reste dans une 8 bits cette semaine, à saveur peut-être un peu lo-fi justement, je sais pas, je me suis inspiré des notes de Mathieu Place. Allons-y donc avec une formation qui s'appelle Project Red Flag, un premier album, on écoute un premier extrait. Thank you. Et toujours à l'antenne de CKRL, petite mention au passage d'ailleurs en matière d'événements BD, jeudi le 8 novembre prochain, c'est le lancement à Québec de la bande dessinée Radisson, le tome 4, l'ultime tome de cette série Jean-Sébastien Bolduc, si je ne me trompe pas, fait ma mémoire, fait peut-être défaut, et ce sera, si je ne me trompe pas, autour de 6h, c'est ça, Anne-Marie, Olivier? Oui, c'est Jean-Sébastien Bérubé, et c'est tout à fait à 6h. Voilà. Alors, je savais que ma mémoire faisait défaut à l'un ou l'autre des endroits. Alors, donc, lancement de Radisson 4 de Jean-Sébastien Bérubé, donc jeudi le 8 novembre à 6h, c'est chez Philactère sur la rue Saint-Joseph. Une belle occasion d'aller rencontrer l'auteur, d'aller chercher une dédicace également. Et Anne-Marie Olivier, bonjour officiellement. Oui, bonjour. Alors, cette semaine, on s'en va dans deux univers bien distincts, j'ai envie de dire, avec les titres dont tu vas nous parler. On va revenir notamment sur 23 prostituées de Chester Brown, mais on commence avec une nouvelle parution à la pastèque qui a déjà beaucoup fait parler d'elle, Jane le Renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. Voilà, donc c'est sorti hier, c'est tout nouveau. Effectivement, ils en ont parlé beaucoup dans les médias, puis ils font bien en parler parce que c'est une super bande dessinée. Donc, pour ceux qui en ont pas entendu parler, le résumé, c'est l'histoire d'Hélène, petite fille de 12 ans environ, qui est victime de harcèlement et d'intimidation à son école. Et son seul refuge ou sa seule bouée, en fait, c'est le roman de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, qu'elle est en train de lire. Donc, c'est l'aspect intéressant de cette bande dessinée-là, c'est le parallèle qu'on fait entre cette héroïne de l'époque victorienne et la petite Hélène aux prises avec des problèmes pas très intéressants. Et est-ce qu'on réussit justement à actualiser un peu le roman, à intégrer ça dans un récit qui se tient, qui se suit, qui est dynamique? Oui, tout à fait. C'est un livre vraiment bouleversant, en fait, parce que non seulement on parle d'un sujet d'actualité assez presque tabou, là, en quelque sorte. On en parle beaucoup, mais c'est difficile d'en parler avec sensibilité. Mmh. Et c'est ce qui arrive dans cette bande dessinée-là. Et justement, le parallèle avec Jane Eyre, en fait, elle se compare un peu à elle. Et ce qui est intéressant, c'est que elle lit le roman au fur et à mesure que nous, on lit la bande dessinée. Donc, elle apprend, en fait, que cette héroïne-là, sa vie ne finit pas mal, en fait, comment elle a commencé, mais elle espère, en fait, que peut-être que son histoire, elle, aura aussi une fin heureuse. Et de ce que j'en comprends, Anne-Marie, de ce que tu nous dis, c'est que c'est très poignant, donc on réussit vraiment à créer un récit qui vient nous toucher droit au cœur, là. Tout à fait, puis en fait, c'est que, vu que, comme je disais tantôt, c'est un sujet sensible, mais ils ont réussi, en fait, les deux auteurs, à pas tomber dans le pathologique, là, puis le déprimant et tout ça. Ça reste une bande dessinée qui est pas nécessairement joyeuse, mais qui a beaucoup d'espoir, en fait, et étant donné que la bande dessinée est très largement inspirée de la propre histoire de Fanny Britt, l'auteur, donc c'est peut-être aussi la raison de sa réussite, j'ai l'impression, parce que les auteurs ont fait le choix d'aller vers l'émotion plutôt que d'aller dans l'explication de qu'est-ce que l'intimidation. On n'a pas besoin de savoir ça, en fait. On comprend directement à travers les commentaires et aussi bien sûr le dessin qui est assez, assez bien fait, puis qui est tout à fait en accord avec le sujet. Oui, en fait, il y a quelque chose de très poétique, je trouve, dans le dessin, dans les traits, dans la retenue aussi qu'il y a dans les images de ce volume-là. Oui, il n'y a pas beaucoup de détails, en fait. On joue beaucoup avec les contrastes, avec les couleurs, avec les hachures. Quand on suit l'histoire d'Hélène, on est toujours dans un univers assez de grisaille qui reflète bien son état d'esprit. Il n'y a pas beaucoup de moments de bonheur, cette jeune fille. Et lorsque, en fait, on tombe dans le récit de Jane Eyre, on voit apparaître des vignettes en couleur et donc elle, vu que ça représente des moments de bonheur, eh bien c'est ce qu'on retrouve à travers ce récit-là qui est en alternance. On laisse beaucoup de place aussi à l'espace, il n'y a pas beaucoup de paroles et on comprend tout à fait, en fait, le toute la problématique de l'intimidation à l'école. Donc c'est à lire, là. Tout à fait, vraiment bouleversant, une bande dessinée que j'ai adorée. Alors ça, c'est Jane le Renard et moi, donc de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, c'est aux éditions La Pastèque. Et l'autre titre, et là on change complètement de registre, comme je le disais tout à l'heure, 23 prostituées de Chester Brown, c'est la version française, dans le fond, de Paying for It. Exact. Donc, ça vient de sortir chez Cornelius. Donc, encore là, on en a parlé beaucoup, mais encore le résumé. Donc, l'auteur Chester Brown, c'est encore de l'autobiographie. Chester Brown qui confesse une décennie de consommation de sexe tarifé, donc avec 23 prostituées, expérience de laquelle il extrait des commentaires personnels, en fait. Mm-hmm. Et donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette bande dessinée-là. Ici, on traite, c'est sûr qu'on traite uniquement de l'expérience personnelle de l'auteur, donc on peut pas nécessairement appliquer son étude, et là je mets des guillemets, surtout les clients des prostituées, puis ce type de relation-là. Mais cet ouvrage-là, ça fait en fait une suite un peu indirecte à deux autres autobiographies que Chester Brown a faites sur les rapports en fait entre la sexualité puis l'éducation, que peut-être certains connaissent, « Je ne t'ai jamais aimé » et « Playboy ». Donc, où il abordait la difficulté des sentiments, puis le malaise et la honte par rapport à la masturbation, puis la pornographie. Donc, c'est un sujet qui est assez intense. Et qui est bien amené, dans 23 prostituées, en fait, où il y a beaucoup, justement, de ces dialogues et de ces réflexions par rapport à l'amour et les liens, justement, entre l'amour et le sexe aussi, les difficultés de joindre parfois les deux, les idées préconçues qu'on peut avoir avec ça. Donc, c'est comme tu dis, c'est vraiment dans une poursuite de réflexion par rapport aux relations avec la sexualité. Ben, c'est sûr qu'on pourrait être assez direct dans la démarche de l'auteur, mais c'est une BD qui est vraiment fascinante parce que, justement, quand on lit la bande dessinée, on est vraiment fasciné par le ton neutre de la BD. C'est ça qui est assez intense, qui commence dès la rupture amoureuse qui va amorcer le récit puis sur cette aventure sexuelle-là. Donc, une rupture qui a l'air en apparence tranquille, mais qui est plutôt violente par la description ultra honnête puis très très analytique de la situation que l'auteur vit, et son ex-copine donc ne lui laisse vraiment aucune porte de sortie pour une récupération de cette relation-là. Et par la suite, c'est cette espèce d'enfilade des descriptions des 23 prostituées qu'il va rencontrer. Et d'ailleurs, chaque chapitre porte le nom d'une de ces filles-là. Donc, ça donne aussi le ton de la bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup d'émotion dans cette BD-là. En fait, l'auteur lui-même a l'air extrêmement intellectualiser un peu tout, réfléchir vraiment tout, surtout dans le contexte d'autobiographie. Là, il porte un jugement très, très clair, très net, très défini aussi sur lui-même, là. Oui, tout à fait. Puis quand on parle, des fois l'auteur va tenter une approche esthétique qui va des fois un peu se retourner contre lui. Par exemple, quand on parle du dessin, l'auteur, par respect en fait pour les filles, il a la volonté de préserver leur anonymat, donc il gomme un peu les traits de peau, il cache leur visage, il change les corps un peu, mais il est très discret avec les références physiques. Mais en faisant ça, en fait, ce qui part d'une bonne idée, une bonne intention, donc de respecter l'anonymat, mais en fait ce que ça donne souvent, c'est que ça les réduit à une suite de corps, des fois sans identité, puis un peu interchangeables. Alors qu'il essaie d'éviter ça dans sa narration, c'est ça qui est dommage, peut-être un peu, effectivement. Ça donne un moyen assez spécial, mais somme toute, moi, j'ai trouvé qu'on peut parcourir cette œuvre-là quand même avec un rire embarrassé. C'est sûr, on rit jaune parfois parce qu'il y a une espèce de malaise entre la totale transparence puis l'intimité de l'auteur. On est carrément invité dans une relation sexuelle qui n'est pas la nôtre, en fait. Puis, mais il n'en reste pas moins que c'est une BD qui est un portrait vraiment intéressant d'un homme qui est partagé entre la conception d'un amour romantique puis la froide satisfaction d'un besoin physique et mécanique, en fait. Et dans la version anglaise, Anne-Marie avait, à la fin, vraiment, il avait montré la BD à ses amis, il avait été chercher des références par rapport à ses conversations et d'autres éléments comme ça, vraiment un glossaire qui accompagnait ça. Est-ce qu'on le retrouve aussi en version française? Oui, on le retrouve. On y trouve aussi une introduction, un préface de Robert Crumb. Donc, je me rappelle plus si elle est dans la version anglaise. Je pense que oui. Donc, elle est là aussi. Puis, non, effectivement, toutes les termes qu'on peut aller chercher, toutes les espèces de terminologie propre au monde de la prostitution, en fait, tout est là. Puis, ça donne un aspect documentaire très intéressant. Une BD spéciale, mais vraiment à pousser la curiosité pour aller la lire. Ça vaut vraiment la peine. Oui, je seconde de mon côté. C'était une lecture. J'ai lu la version anglophone et j'ai beaucoup apprécié pour la réflexion que ça amène et pour la manière aussi dont Chester Brown est capable d'amener, de présenter tout ça. Alors, comme tu dis, je pense que ça vaut la peine. C'est à la fois un objet de curiosité et une BD réussie de manière générale. Tout à fait. Mais Anne-Marie Olivier, on se dit à très bientôt. Oui, merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Anne-Marie Olivier et ses commentaires BD. Deuxième livre dont elle parlait, c'était 23 prostituées de Chester Brown chez Cornelius. Un autre extrait de la formation Red Flag Project, toujours ici à La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre, plusieurs moyens de le faire, et notamment par Facebook, en cherchant La Vie en BD. On a également des blogs, laviehenbd.wordpress.com et voir.ca/Raymond-Poirier. Et on passe en fait d'une BD traduite de l'anglais à la BD anglophone de manière générale. Mathieu Place est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Raymond, salut tout le monde. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Et donc, pour remettre en contexte, tu t'es lancé à la découverte donc de la bande dessinée indépendante américaine, la BD dessinée indépendante anglophone. Et donc, on y allait le mois dernier avec des grands classiques. Et maintenant, en fait, vers quoi tu t'es lancé pour le mois suivant? Donc? Bon, en fait, je voudrais vous parler déjà d'une compilation qui s'appelle Best American Comics. Alors ça, c'est c'est mon espèce de guide vers cette découverte-là, parce que c'est un guide qui paraît à chaque année. Alors, il y en a un en 2007, 2008, 2009, jusqu'à 2012. Il vient de sortir le dernière compilation. Et c'est une compilation qui est vraiment fantastique pour ceux qui veulent découvrir la bande dessinée qui est en dehors des sentiers battus et tout ce qui est bande dessinée américaine. Puis là, on parle de vraiment la bande dessinée d'auteurs connus, célèbres, comme Crumb, dont on parlait la dernière fois, jusqu'à des fanzines qui sont tout à fait obscures et puis qui sont imprimées à peu près 50-100 exemplaires. Alors, la manière que ça fonctionne, cette compilation-là, Best American Comics, en fait, c'est un éditeur invité à chaque année qui a la tâche de faire le tri de se démêler dans la masse de publications. Ben, dans la masse de publications. Là, il y a des aides qui sont avec lui ou elle, et bon, ces aides-là lui envoient toutes sortes de projets de bandes dessinées, et puis bon, ça fait une espèce de tas immense dans le salon de l'éditeur, et puis là, l'éditeur doit faire le tri là-dedans, et puis de faire une sélection de ses coups de cœur de l'année. Alors, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est assez varié, comme je disais tout à l'heure. Alors, on peut avoir des choses autobiographiques dessinées de manière très réaliste, ou on peut avoir des choses complètement pétées, complètement folles, et bon, je vais vous en parler justement aujourd'hui d'un exemple assez fou. Et puis bon, pour ceux qui veulent découvrir la bande dessinée américaine, qui veulent avoir une espèce de vue d'ensemble, eh bien c'est vraiment fantastique. À la bibliothèque Gabriel Roy, dans le réseau des bibliothèques de Québec, eh bien ils ont toute la collection des Best American Comics. Alors ça peut être un bon départ. Là, j'en ai 4 chez nous, fait que je vais aller chercher tout de suite. Mais, il y en a d'autres. C'est ça, il y en a d'autres. Et puis bon, évidemment, on n'a pas les bandes dessinées complètes à chaque fois. Mais ça donne une idée, parce que des fois, en fait, comme tu dis, c'est pas évident de se lancer, de dire, OK, j'explore un genre, je me lance dans un univers. Mm. Alors, des ouvrages comme ça, qui est des compilations, ça donne un aperçu. Après ça, on peut cibler, OK, je pense que celui-là me rejoint un petit peu plus. Celui-là, la manière, le dessin, la narration, je suis curieux, j'essaie. Et en plus, avec les bibliothèques, disons que c'est essayer sans douleur. Là. Ben, c'est ça. En plus, à Québec, là, on a des bibliothèques qui ont beaucoup de bandes dessinées, puis de bandes dessinées américaines, puis des bandes dessinées assez intéressantes. Alors, ça vaut la peine de chercher là-dedans. là-dedans, justement dans une compilation comme ça, comme tu le disais, c'est que ça donne des idées, puis après ça, on peut aller chercher à la bibliothèque ou encore dans les librairies spécialisées à Québec. Avec plus de confiance. Ouais. Ben, c'est ça, exactement, parce que, tu sais, la bande dessinée américaine, ben, tu sais, on y a accès au Québec, tu sais, il y a des éditeurs francophones qui font des traductions, on a certains distributeurs américains qui se rendent jusqu'au Québec, jusqu'à Montréal, Québec, mais on n'a pas tout. Alors, ça peut donner des idées, là, pour aller chercher d'autres choses. Puis, bon, si vous ne les trouvez pas à Québec, ben, vous pouvez aller sur Amazon puis faire la commande à ce moment-là. Ou des fois, les libraires, on peut commander directement aussi. Ben oui, c'est encore mieux. Ouais, pas exactement. De stress. Et donc, c'est un peu avec cette compilation-là que tu as orienté tes choix de lecture. Exactement. Alors, c'est avec cette compilation-là que j'ai fait deux découvertes. En fait, une découverte qui est assez obscure et puis une découverte qui est plus connue. Alors, la première, plutôt obscure, dont je vais vous parler, c'est Paper Rad. Et ce qui est un petit peu plus connu, c'est l'œuvre de James Kochalka. Et puis bon, je vais vous parler de Superfuckers, qui est une bande dessinée justement de cet auteur-là. Mais pour commencer, Paper Rad. Alors, Paper Rad, vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est un collectif qui fait de la bande dessinée, mais qui fait aussi de la musique, de l'art, Internet, et puis bon, des objets électroniques. C'est assez éclaté leur affaire. C'est un collectif et c'est complètement pété pour la plupart des cas. C'est un collectif de Rhode Island et comme je vous disais, bon, ils sont sur Internet et déjà leur site, dès qu'on arrive sur le site, là, c'est déjà assez fou. Ça, attendez-vous pas à un site où est-ce que vous avez bien cordé, biographie, album, etc. On arrive et puis, bon, déjà, il y a une image étrange qui nous accueille, très colorée, une espèce de personnage de BD, plutôt, comment dire, mal dessiné, mais assumé. Là. Moi, j'aime beaucoup ça quand c'est mal dessiné, mais c'est ça qu'on voulait. Il y a une espèce de caractère qui ressort de ça et c'est ce qu'on retrouve dans Paper Rad. Alors, je décris un peu la bande dessinée dont je vais vous parler. C'est une compilation qu'on peut trouver justement sur Amazon pour ceux qui veulent aller chercher. En fait, c'est des compilations de toutes sortes d'histoires et c'est des histoires assez courtes, très colorées. Et la plupart du temps, pour ce qui est du sujet lui-même, c'est très simple. Alors, on a un personnage qui s'en va au restaurant, le serveur arrive, le personnage reconnaît le serveur, il veut pas que le serveur le reconnaisse, alors il s'enfuit dans les toilettes et puis là, c'est la fin de cette histoire-là. Ouf! Donc, des histoires punchées, un côté absurde, un absurde assumé, un côté un peu alambiqué, mais on... Ben, c'est ça, les histoires en tant que telles sont assez simples, mais c'est dans le traitement que là, ça illumine. Parce que tu disais justement, parenthèse, Mathieu, j'en ai un devant moi, un Paper Rad, et tu parlais de couleurs éclatantes et de côté de dessin aussi, ça saute au visage. Là, on a rien de sobre là, ici. Ouais. Souvent, les couleurs, c'est déjà les couleurs primaires, alors jaune, rouge, vert, jaune, rouge, bleu, les couleurs de base et ensuite de ça, on met une couche de couleurs fluorescentes par-dessus ça. Alors, tu sais, c'est vraiment tout pour presque agresser l'œil, mais les histoires sont tellement simples que, justement, ça laisse de la place à tout le traitement graphique là, qui est par-dessus. Alors, c'est du... On a un traitement qui est lo-fi, alors ça, tu sais, l'album ressemble à une espèce de archi, alors avec le papier qui est presque sale là, juste en y touchant. C'est très psychédélique. Les personnages sont assez animaliers. Alors, c'est des personnages qui ont des traits d'animaux. Alors, il y en a qui ressemblent un peu à Garfield. Il y en a qui ressemblent à des cochons, etc. Alors, habituellement, quand on a des personnages qui sont animaliers, ça laisse place à beaucoup de liberté là, au niveau de l'histoire. Alors, c'est un cas encore ici. Et bon, pour tous ceux qui aiment les choses qui sont très pétées, do-it-yourself, psychédélique, complètement, eh bien, ça vaut vraiment la peine. Et puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je lis, tu sais, de manière légère. C'est que faut pas s'attendre à s'embarquer dans l'histoire et puis, tu sais, vraiment entrer dans un monde complet. Ça se lit de manière assez légère. Tu sais, des fois, on comprend pas très bien l'histoire, mais on vogue au travers des images et puis, bon, tu sais, on complète avec notre propre rêverie. Là. Et puis, par cet élément visuel-là, reste que d'une manière ou d'une autre, on rentre dans un monde, dans un état d'esprit plutôt peut-être que dans un monde. Je pense que ce serait le terme. Ben, c'est ça. C'est exact. C'est un état d'esprit. C'est très bien décrit là. C'est vraiment un état d'esprit plutôt qu'une histoire en tant que telle. Bon, pour ceux qui aiment les arts graphiques là, vous allez vous régaler avec Paper Rad à essayer, et à donc, surveiller. C'est des tout petits fascicules et comme tu dis, ça se trouve assez facilement sur le web notamment. Là. Je vous dirais que vous pouvez aller sur le web pour avoir des extraits, par exemple sur leur site web. Ils font aussi du vidéo, ce qu'ils appellent du YouTube poop. Voilà. Alors c'est vraiment des montages de toutes sortes d'affaires vidéo, des collages psychédéliques que vous pouvez trouver sur sur internet. Mais pour ceux qui veulent avoir la bande dessinée elle-même, c'est sur Amazon. C'est un petit peu plus cher là. Il faut compter à peu près 20$ pour un petit fascicule parce que c'est rare, mais ça vaut la peine pour ceux qui veulent découvrir. Alors ça c'est pour Paper Rad. Et on passe maintenant à James Kolchaka. Oui, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée de cet auteur-là, c'est lui qui a fait American Elf, qui est une bande dessinée qui a très bien fonctionné, un gros volume, je ne l'ai pas lu malheureusement, mais ça fait partie de ma liste. C'est un gros volume avec un personnage qui ressemble à un elfe, mais qui vit dans une Amérique, là, somme toute, assez convenue. Mais bon, c'est un personnage qui a été inventé par cet auteur-là. Alors, cet auteur-là aussi fait beaucoup dans l'autobiographie. Il a publié, il y a quelques années, un journal où il faisait la description de chacune de ses journées avec sa famille, ses enfants. Alors, bon, c'était assez intéressant. Le trait de cet auteur-là est très simple, mais les couleurs sont très belles. C'est que le trait, au départ, bon, il n'y a pas d'inflexion dedans. C'est vraiment un trait... cherchez pas d'expression dans le trait lui-même. C'est un trait qui garde exactement la même largeur tout le long de la bande dessinée. Mais les couleurs, au travers de ça, qui sont traitées... Bon, le trait va changer de couleur. Les aplats de couleurs vont changer aussi. Mm-hmm. On voit qu'il y a une recherche de ce côté-là. Ça, il va chercher d'autres outils pour créer ces effets de style que le trait lui-même. Le trait lui-même, exactement. Alors, on parle ici de la bande dessinée. C'est Super Fuckers. Alors ça, c'est vraiment une bande dessinée que j'ai trouvé vraiment fantastique. C'est les gens de première issue qui me l'ont conseillé. Je suis allé chez eux, je leur ai dit conseille-moi quelque chose. Il m'a sorti ça et puis c'est très drôle. En fait, c'est l'histoire de super-héros. Une gang de super-héros qui sont très puissants. Ils ont leur base, ils ont toutes sortes de choses dans leur base. Des super-héros classiques, mais tu sais, au début, on commence à bande dessinée puis on se dit, il va y avoir un vilain qui va arriver, il va y avoir une histoire de super-héros classique. Finalement, on arrive à la fin de la bande dessinée, puis il s'est passé 2-3 jours, puis ils ont juste niaisé à regarder la TV. Des super-héros avec des super-pouvoirs, avec une super-base, mais qui essentiellement glande. C'est ça, exactement. Ça doit être entre deux missions, ou je sais pas. Ils font des auditions avec d'autres super-héros qui veulent faire partie de l'équipe. Alors, tu sais, on a vraiment la vie des super-héros, mais derrière le décor, si on veut. Puis, tu sais, ils sont tous plus détestables les uns que les autres. Ils s'écœurent les uns les autres. C'est pas des personnages très reluisante. On a une fille, une chick là, qui est vraiment prête à tout pour monter dans les échelons. Alors, elle va coucher avec n'importe quel des super-héros qui a l'air de vouloir peut-être devenir le boss. Ensuite de ça, leur animal de compagnie, c'est une espèce de larve qui sentirait, entre guillemets, le vomi. Alors, tu sais, c'est vraiment un drôle de bibitte qui est là pour les accompagner. Et on a un personnage qui est capable de construire et de détruire des univers en quelques secondes. Alors, c'est vraiment fantastique comme pouvoir. Mais à un moment donné, dans la bande dessinée, pour vous donner une idée du ton, il va détruire et construire l'univers. Et puis, il va le garder exactement pareil, mais les personnages féminins vont avoir des plus grosses boules. Fait que, c'est comme ça qu'il a amélioré l'univers à son image. Bon, regardez, c'est juste des exemples, mais c'est le ton de la bande dessinée qui est vraiment fantastique. Kochalka a le don de faire un humour qui est pas en punch. C'est pas des punch, mais c'est juste les conversations entre les personnages. Et puis, je dirais que c'est un gars qui est capable de faire des dialogues, là, je vais y aller gros, là, aussi savoureux que Tarantino, mais en bande dessinée. Alors, moi, c'est vraiment les dialogues, sont hilarants, puis ils s'envoient promener les uns les autres, et c'est très drôle. À surveiller, Super Fuckers, là, ça vaut la peine. Je ris à chaque fois que je la lis. Alors, on y jette un coup d'œil, si ça nous intéresse de voir l'arrière-scène, donc, des super-héros, avec un trait assez sympathique, assez particulier aussi, à découvrir. Mm-hmm. Mathieu Place, nous, on se dit au mois prochain. Au mois prochain. À bientôt. Et nous, on prend une courte pause. Au retour, Thomas-Louis Côté nous parle de Quai des Bulles et également les commentaires BD de Marco Duchesne. Les productions Explosive Groove vous invitent au lancement de l'album Solidarity du groupe The Soul Jazz Orchestra. Les sonorités tropicales de ce nouvel album se marieront parfaitement avec les sélections chaudes des DJs 100% dynamite. Rendez-vous le jeudi 15 novembre à partir de 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, pour une soirée de musique afro, funk, reggae et tropicale. « Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. le-cercle.ca. Le vendredi 9 novembre, l'ensemble des radios communautaires du Québec se réunissent à la Ninkasi pour un événement showcase en levant. Dans une seule soirée, vous trouverez sur scène Marc Derry, Amélie, Élie et Papillon, Laurent Célie, Charles Dubé, Maxime McGraw. Un rendez-vous à ne pas manquer pour seulement 6$ le vendredi 9 novembre 19h30. Billets en vente le soir même à la porte à la Ninkasi. Voici les livres qui ont marqué Pantoute. De guerre interstellaire en saga magique. Le guide du routard galactique de Douglas Adams. Demain les chiens de Clifford D. Simak. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le Trône de Fer de G.R.R. Martin. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 18 novembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD et maintenant on a le plaisir de retrouver notre collaborateur Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Et Thomas-Louis, t'es de retour d'Europe, il faut le dire. Oui, tout juste. Je suis arrivé mardi dernier de France où je suis allé au festival de Quai des Bulles à Saint-Malo. Et qu'est-ce qui t'amenait là? Curiosité, travail, les deux? Un peu de tout, dans le fond. Quai des Bulles est le deuxième plus gros événement de bande dessinée en France. Donc, moi je suis allé par curiosité, parce que c'est un événement que je connais peu. Je l'ai déjà allé une fois en 2008, mais l'événement a quand même évolué encore. Pour le travail, parce qu'on cherche toujours des sources d'idées, des auteurs et tout. Puis aussi, ben c'est ça, juste pour profiter de cet événement-là. Le Quai des Bulles, je veux dire, c'est un événement qui regroupe peut-être 450 auteurs comparativement à Angoulême qui peut en compter 1200. Mais c'est un événement qui est organisé par une association avec des auteurs. Donc, le feeling, si on veut, du festival est complètement différent de ce qu'on peut retrouver à Angoulême. Et que si on détaille un peu, justement, c'est quoi? Parce qu'on avait parlé un peu d'Angoulême l'année dernière, où la ville était littéralement envahie par les auteurs, où c'était beaucoup axé sur la dédicace. Oui, ben la dédicace, comme dans n'importe quel festival en Europe, ça reste un élément important. Cela dit, Angoulême est un festival où il se passe beaucoup d'affaires aussi. En dehors des dédicaces et des événements BD, les éditeurs sont présents, ils se brassent le marché des droits et tout ça. Saint-Malo, les éditeurs sont aussi présents. Je veux dire, j'ai croisé les gens comme Guy Delcourt, Jacques Glénat et tout ça qui sont là. Mais de ce que j'ai compris, ces gens-là viennent rencontrer les auteurs. Ce qui peut pas vraiment se faire à Angoulême parce que tout le monde est pris par les journalistes, partout. Mais à Saint-Malo, les gens ont le temps de se voir, de passer du temps ensemble, de discuter, d'aller manger, prendre un verre et tout. Donc, ça crée des beaux moments de rencontre. Et cela dit, c'est ça, j'ai pu en profiter tout au long de l'événement qui dure 4 jours, donc pour faire de super belles rencontres et des rencontres qui auraient parfois été difficiles justement à Angoulême. Ça, où le rythme, comme tu dis, est plus effréné, où ça se fait plutôt en fin de soirée dans les bars plutôt qu'en journée quand les sens sont aiguisés. Oui, ben je te dirais que c'était un peu la même chose à Saint-Malo où les rencontres se sont faites à partir de la fermeture des tentes, là, parce que comme tel, quand les tentes sont ouvertes, on s'entend, il y a 40 000 personnes environ qui passent dans les tentes, ça fait la file pour rentrer aux expositions. C'est un peu difficile de croiser des gens par hasard pour discuter, ils sont souvent pris. Cela dit, le soir, tu les rencontres lors des soupers, tu vas prendre un verre avec après. C'est une autre dynamique. Mais les auteurs sont très contents d'être aussi à Quai des Bulles. Souvent, à Angoulême, c'est du travail. Mm-hmm. Parce que là, il y a une dynamique plaisir, puis une possibilité aussi d'aller faire des rencontres pour eux aussi. C'est presque du réseautage, entre guillemets. Oui, ben ils se retrouvent entre amis. Ce qui est le cas un peu à Angoulême, mais comme je disais, c'est un peu différent. On se retrouve dans le hall d'un hôtel à Angoulême le soir. Là, c'est un peu dans les bars. Les gens ferment les bars à 7 heures du matin. C'est quand même pas mal intéressant. Et côté activité, côté programmation, ça ressemble un peu à quoi? Est-ce que, bon, on parle de dédicace. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements parallèles aussi? On part de la même base, dans le fond, de tentes avec des kiosques pour les différents éditeurs, les petits éditeurs, des gens comme Darko et tout ça qui sont présents aussi. Donc, il y a vraiment un mélange de gros et petits éditeurs. Et sinon, c'est des expositions. Il y avait quand même un très beau programme d'exposition. Un programme des expositions d'Andreas, Comics Bureau, qui est une petite maison d'édition qui avait été fondée par Olivier Vatine et les gens de chez Atacus, donc qui font des carnets de croquis. Super belle production. Dans le fond, ils ont fait une exposition autour justement du croquis et des dessins préparatoires des auteurs. Et il y avait sur place des démonstrations de couleurs, des démonstrations de croquis, un atelier de modèles vivants avec une pin-up. C'était super intéressant. Et c'est des expositions qui sont souvent très développées. Mm-hmm. Pourtant, ils sont faits uniquement pour la durée de l'événement. Donc, c'est toujours particulier. Ça. Oui, il n'y a pas de durée pré-poste. C'est le 4 jours en mode. Mais les expositions les grosses expositions qui sont à l'intérieur de l'événement sont vraiment fait pour la durée de l'événement. Par contre, il y a des expositions à l'extérieur. Par exemple, il y avait Césambre, qui est le nouveau livre de Nicolas Malfin, dont sûrement vous allez parler éventuellement à l'émission. Il y avait une exposition à la Maison du Québec à Saint-Malo. Donc, Saint-Malo est la seule place en France où il y a une Maison du Québec, mm-hmm. et qui est animée avec une bibliothèque, des expositions et tout. Et il y avait une exposition sur ce livre-là qui raconte l'histoire de Saint-Malo au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de l'île de Césambre, mm-hmm. qui était un phare devant Saint-Malo. Donc, Nicolas Malfin, qui, pour l'anecdote, avait passé un an au Québec en 2007, et où il avait débuté ce livre-là ici. Donc, ses premiers croquis, son travail de scénario, c'était fait sur l'île d'Orléans, où il avait loué une maison. Et sa copine, qu'il a rencontrée en 2007 au Québec, est toujours avec lui. Donc, une belle histoire. Une belle histoire d'amour. D'amour. Et c'est ça. Donc, Saint-Malo, c'est ça. C'est l'occasion de rencontrer des copains. Au niveau de la programmation, mis à part ce qui est exposition, ils ont des concepts de spectacles vivants. Donc, des contabules qui sont un mélange entre le conte et la bande dessinée avec des musiciens. C'est une spécialité qui avait été développée par Jean-Claude Fournier, qu'on connaît pour son Spirou, entre autres. Il a fait une bande dessinée récemment avec L'Axe. Donc, lui vient de la région de Saint-Malo et il a développé ce concept là qui est franchement intéressant, où ça dure à peu près une heure, est un conteur qui raconte différents contes qui sont illustrés en direct par un dessinateur. Tout ça avec un musicien live et un montage quand même vidéo, parce que c'est projeté sur écran, mm-hmm. qui rend la chose hyper dynamique. Donc, c'est le genre de choses qui accroche l'œil quand on organise un événement. Là. Et surtout qui accroche l'œil d'organisateur. C'est le genre de truc qu'on pourrait peut-être éventuellement voir apparaître au Festival de BD de Québec. Oui, parce qu'il faut se rappeler que Québec est une ville qui est jumelée à Saint-Malo. Donc, c'était un des intérêts aussi d'aller là-bas, c'est de voir les possibilités de collaboration éventuelle. Et est-ce qu'il y avait plusieurs Québécois qui étaient présents d'ailleurs à part toi là-bas? Est-ce qu'on avait des auteurs? Il y en avait quelques-uns. Moi, quand j'étais allé en 2008, on était allé en délégation, donc il y en avait plus. Mais il y avait Jimmy Beaulieu qui était de passage à Saint-Malo parce qu'il faisait une résidence à Mazé, une petite ville près de Nantes. Il y avait aussi Michel Falardeau qui terminait, lui, sa résidence qu'il est en train de faire à Bordeaux. Puis il y avait Jacques Lamontagne qui était présent parce que c'était les 10 ans de la collection celtique chez Soleil. Donc, il venait pour les druides, qui est quand même un des ouvrages phares de cette collection-là. Et en même temps, ça permet toujours, on en parle souvent, mais ça permet de voir le succès aussi de ces auteurs-là, ou du moins les percées que ces auteurs-là font outre-mer également. Là. Oui, parce que c'est surprenant des fois. Au Québec, je veux dire, c'est des auteurs qu'on connaît, qu'on côtoie plus facilement. En Europe, de voir les fils pour des gens comme Jacques Lamontagne, qui a dédicacé tout plein, Michel Falardeau, qui a dédicacé encore des ouvrages de Mertonville. Donc, les gens viennent vraiment pour voir les auteurs. C'est toujours drôle. T'sais. Jimmy Beaulieu, qui est un peu un des représentants que tout le monde connaît de la bande dessinée québécoise en France. C'est le Québécois par excellence pour plusieurs auteurs et représentants de la BD en Europe. Donc, lui, il connaît tout le monde aussi. Ça a été très intéressant. Il permettait de faire beaucoup de réseautage avec ses connaissances. Et du festival, en fait, souvent des activités parallèles, table ronde ou autres. Est-ce qu'il y a des réflexions aussi, des regards sur la BD qui t'ont animé ou des albums, des éléments, des auteurs que tu connaissais pas, que tu as découvert? Donc, qu'est-ce que tu retiens, toi, Thomas Louis, de ce festival-là? Quand tu parles de réflexions, c'est certain qu'il y a beaucoup de table ronde, des discussions, des rencontres avec différents auteurs. Moi, une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'était une rencontre que j'ai vue sur le thème de la visite d'auteurs de bande dessinée en prison, qui est quelque chose qui se fait beaucoup en Europe et qu'on ne fait pas nécessairement ici, mais qui pourrait se faire, je crois que ce serait très intéressant. Donc, il y a plusieurs groupes de promotion de la lecture qui organisent des activités en prison, donc avec les détenus. Et donc, il y avait une rencontre autour de 7 auteurs de bande dessinée qui ont été amenés à aller dans différentes prisons de la Bretagne pour rencontrer les détenus. C'est des rencontres de discussion. Les auteurs arrivent avec des planches, ils présentent ça aux détenus. Les détenus discutent, font des petits dessins, ils s'amusent, mais ça leur permet quand même de parler d'égal à égal, dans le fond, avec un auteur, le temps d'une heure, une heure et demie. C'est des rencontres quand même assez courtes et de voir, des fois, de développer un intérêt pour la bande dessinée ou de découvrir chez certains détenus un intérêt franchement marqué pour le médium. Il y avait Gégé, qui est un auteur de la Bretagne, qui racontait entre autres qu'il a commencé à parler avec les détenus, puis il y en a un qui a réussi à se faire sortir de la rencontre pour retourner à sa cellule, chercher ses dessins et ses croquis pour lui montrer, et ils se sont mis à discuter du dessin. Donc, pour quelqu'un qui le fait pour lui-même dans sa cellule, de pouvoir partager, le montrer à quelqu'un qui s'y connaît, puis d'avoir des trucs et tout. Je veux dire, c'est des rencontres inoubliables pour des gens qui sont quand même assez seuls dans leur quotidien. Quand on parle d'une démarche éventuelle de réinsertion sociale, d'aller chercher des éléments pour accompagner dans une certaine réhabilitation face aux actes que ces gens-là ont commis, ben le dessin, dans le fond, peut être une voie. Oui, et je sais pas si c'est la même chose au Québec, mais en France, on disait que dans chaque prison, il y a l'obligation d'avoir une bibliothèque pour avoir de la lecture auprès des détenus. Puis, ce que j'ai trouvé assez rigolo aussi, c'est qu'à la fin de ces rencontres-là, les auteurs faisaient une illustration lorsqu'ils étaient retournés à la maison, et ils ont fait des cartes postales de ces illustrations-là qu'ils ont remis à chacun des détenus qui ont participé. Donc, pour mettre un peu de couleur dans leur cellule, ça fait des illustrations sur le thème de la liberté et de la prison, qui était assez intéressante. Donc, ça permet de découvrir comme ça des activités surprenantes, de sortir de l'habituel. Oui, ben comme je dis, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, que ce soit d'aller à un événement comme Quai des Bulles, Angoulême, Lyon BD ou un festival dans une petite ville de province. Je pense que chaque événement qui est réalisé est fait par des passionnés qui réussissent à amener leurs couleurs et amener des éléments de programmation, des éléments d'animation qui peuvent être franchement intéressants pour nous qui organisons des événements. Donc, ça vaut la peine de se promener pour aller voir justement ce qui se fait et éventuellement trouver des idées pour ici, que ce soit pour l'événement ou pour la promotion de la bande dessinée en général. Et parallèlement, tu as été aussi, Thomas Louis, en terminant vers Paris, tu as été assisté à un encan de tableaux d'Enki Bilal. Oui, ben le hasard a fait que j'étais de retour à Paris le lundi le 29, donc lundi dernier, et il y avait un encan de 15 tableaux d'Enki Bilal qui avait réalisé spécialement pour un encan chez Art Curial, et ces tableaux-là avaient fait l'objet d'une exposition qui s'est promenée à Pékin, à New York, et c'était de retour à Paris. Et c'est franchement impressionnant de voir des tableaux se vendre 200 000 $, des tableaux d'auteur. Donc, une vente qui a récolté, je crois, à peu près 1,5 million d'euros pour 15 tableaux. Ça a duré 25 minutes et c'était assez intéressant à voir. Et ça permet de prendre conscience de l'impact, de l'importance de Bilal comme artiste, là, au-delà que... Ben c'est ça, les gens qui étaient là, autant tu avais des amateurs de Bilal pour ce qu'il a fait en bande dessinée, que tu avais des gens qui étaient des collectionneurs en art contemporain qui venaient chercher un tableau de plus pour leur collection. Il y avait j'avais un voisin dans ma rangée qui achetait 3 tableaux. C'est vraiment des passionnés. C'est hallucinant à voir. Donc, en fait, ça recoupe, parce qu'on avait parlé jadis, justement, du marché de l'art versus le marché de la BD, des planches. C'est vraiment c'est un bon exemple. Oui, c'est vraiment un mariage de ces deux mondes-là. Et je vois que la maison qui était Arcurial, c'est le genre de choses qui vont mettre de l'avant de plus en plus des encans prestige autour d'un auteur, des œuvres créées spécialement pour l'occasion. Je crois qu'il y a certaines personnes qui vont stabiliser leur situation financière avec ce genre d'encans-là. Ben Thomas-Louis Côté, merci. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Et voilà donc, dernier extrait de cette émission de La Vie en BD de la formation Project Red Flag. Ça, c'était la pièce Pushing Buttons. Vous êtes toujours donc sur les ondes de CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et maintenant rejoint par Marco Duchesne. Bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Toi? Mais ça va bien également. Et Marco, en fait, je regardais notamment, j'étais bien content, parce qu'on va pouvoir faire un suivi par rapport à une chronique l'année dernière. on voit souvent beaucoup de premiers tomes arriver, et la grande question, c'est de savoir si ça continue de tenir la route au deuxième, ou si on est déçu. Il y en a même des fois qui attendent carrément que le deuxième tome soit sorti, ou que le complet d'un diptyque soit sorti, pour être sûr que ça vaille la peine de s'investir là-dedans. Effectivement, et bon, comme moi, j'ai de la suite dans les idées, et que je m'accroche beaucoup à mes séries préférées, il était inévitable que je débarque et je te parle d'un tome 2 dont j'avais aimé le tome 1. Et effectivement, quand j'ai vu arriver cette semaine Shrim 2, je me suis dit, ah mais tiens, il me semble que c'est une de mes premières, sinon la première critique que j'ai faite à ton émission. Exactement. Ma première invitation. Alors, la boucle est bouclée. Et la grande question, Marco, c'est, donc tu avais beaucoup aimé, comme tu le dis, le 1, est-ce que le 2 est aussi bon et meilleur? Écoute, résumé des épisodes précédents. Mm-hmm. Alors, Albert, qui est restaurateur belge et dont la spécialité est le beignet de crevettes, est amoureux secrètement d'une jeune chinoise qui vient à son restaurant. Un soir, il vole le billet de croisière du copain de la jeune chinoise, pour pouvoir s'infiltrer sur un bateau, le bateau de croisière, qui part pour Las Palmas. Et là, le scénario vire sur un dixaine, et le vaisseau, en fait, le bateau, est en fait un vaisseau spatial construit par les Chinois qui quitte la Terre, et la Terre est détruite. Donc, Albert se retrouve au milieu d'un vaisseau spatial au milieu de 50 000 Chinois. Dans le premier, on était un peu étonné et on était un peu ébahi, tel le personnage, Albert, qui se retrouve sur ce vaisseau et un peu décontenancé. Et à la fin, sera à moi. Voilà. Alors, qu'arrive-t-il dans ce tome 2? Oui, parce que là, on se retrouve dans l'espace, la page couverture le place même à l'extérieur. L'extérieur, en fait, on lui donne un ultimatum. Les Chinois trouvent qu'il ait une utilité s'il veut être... Parce que tout est calculé pour les Chinois. Mm-hmm. Alors, il est là, il est débalancé, le calcul est débalancé et il faut qu'il soit utile. Et Mia, Albert est follement amoureux de Mia, alors Mia lui dit, mais fais ton beignet aux crevettes. Le tome 2, au complet, et cette quête qu'aura Albert à parcourir le vaisseau spatial des Chinois à la recherche des ingrédients qui vont faire de son beignet de crevettes un outil de sauvetage. Effectivement, parce que c'est à ce point bon que ça le rendra essentiel s'il réussit à le faire goûter. Oui, alors il part à la et là il est accompagné d'un, on lui met un garde du corps, c'est un énorme chinois qui lui bouffe tout le temps, mais les deux vont développer une complicité. Et au bout de la quête, il y a ce jardin harmonie du vide, je me rappelle plus le nom du les Chinois sont beaucoup verbeux, sont beaucoup exagèrent beaucoup sur les titres. Alors, il y a un jardin, le dernier ingrédient, évidemment, c'est l'acrevite. Alors, il y a ce jardin, et on finit par l'atteindre. Et... écoute, ce récit est mené avec une bonhomie, mais tellement sympathique, qu'on sourit à tous les coins de page. Chaque fois qu'on tourne une page, on a le sourire et cette quête qui est là, lui, Albert est très angoissé, hein, parce que là, c'est le vide intergalactique si jamais ça marche pas. Parce qu'il y a deux lunes, en fait, j'imagine c'est deux mois terrestres pour faire son beignet, mais et on voit la quête là, de vraiment les ingrédients, la farine et tout. C'est presque la recette. Bref. On s'amuse beaucoup, mais sans être quelque chose d'hilarant, de se taper sur les cuisses. C'est le genre de truc, des fois juste sourire, c'est le fun. Mais oui, et tout ça prend une espèce d'ampleur en plus, tu sais, arrive à la fin, atteint le jardin des crevettes, et là, y a aussi l'amour pour Mia qui va peut-être se concrétiser, mais... Albert traîne une culpabilité, il traîne un lourd secret, c'est-à-dire que le petit copain de Mia, il est resté sur la Terre, lui. Bref, je vous recommande fortement la lecture des deux de cette série, qui n'est pas terminée, parce que tout ça finit sur... en queue de crevette. En queue de crevette, effectivement. Avec le dessin très enjoué de cette nouvelle génération issue de Larsenet, Blin, Trondheim. Bref. Donc un trait avec une belle naïveté, on pourrait dire. Un peu brouillon. Mais un peu brouillon, je dirais, mais sans déranger. Mm-hmm. Au contraire, ça vient renforcer, j'imagine, voilà. L'univers. Ça, tu parlais de bonhomie, tu parlais d'un sourire à chaque coin de page. Ben, c'est ça. Il y a une légèreté dans la façon de mener l'histoire. Et c'est ce qui est agréable à la lecture. Alors ça, c'est Shrimp, tome 2, La couleur de l'éternité. Et c'est d'un trio d'auteurs, Mathieu Donk. Mathieu Donk, Benjamin Daou sont au scénario. Et l'idée originale est de Mathieu Donk. Et au dessin, on a Mathieu Burnia. Et Marco, autre sujet, autre série, tome 5 cette fois-ci. Alors là, tome 5 de la série Orbitale, une série que moi je considère comme l'une des meilleures séries, tout confondu, actuellement en BD. Et tu pèses tes mots? Et je pèse mes mots. Dès sa sortie, j'ai été tout de suite happé par la grande qualité, la grande maturité dessin scénario de cette série. Orbital, c'est de la science-fiction presque pure, c'est du space opéra mené avec brio. Dans le tome 4, résumé des épisodes précédents. Oui, parce qu'en fait, subitement, la semaine dernière, on avait Jean-Claude Mézières. Alors, tu me parles de space opéra, je pense Valérian. Et d'ailleurs, je veux des comparatifs. Et d'ailleurs, au niveau du dessin, c'est l'inspiration y est, c'est du Mézières, c'est du Valérian. Ils s'en cachent pas, les auteurs s'en cachent pas. C'est ce qu'ils voulaient faire, c'est vouloir renouveler la chose. Pas la renouveler, mais continuer. Souvent, on veut renouveler, on veut s'inspirer, mais je crois que eux, ces deux auteurs-là, voulaient une continuité. Et ce qui se perdait un peu dans le fantasy, la BD se perdait un peu dans le fantasy. Mm-hmm. Mais comme ça, on se sentait toujours obligé d'intégrer des éléments de fantastique, de la magie ou des trucs comme ça. Voilà. Et là, c'est une réussite. Les quatre premiers albums nous présentaient des personnages, dans des situations, et les personnages étaient très bien, un humain, une extraterrestre d'une race qui s'appelle les Sanjar. Les humains et les Sanjar se sont fait la guerre pendant des années. D'ailleurs, le personnage humain Caleb Sweeney a perdu ses parents à cause de ça, à l'aube de cette guerre-là. Des années plus tard, le petit Sweeney, Caleb Sweeney, a grandi et est devenu un agent de sécurité pour le conglomérat, la confédération qui s'appelle l'Ordi. Cette confédération-là gère la politique et les humains sont amenés à venir intégrer la confédération. C'est tout nouveau. Okay. Mais est-ce que tout le monde veut que les humains l'intègrent? C'est la grande question. Les quatre premiers albums nous mettaient Caleb et sa partenaire, une Sanjar, comme je disais. On les avait jumelés pour essayer de faire un rapprochement entre les deux races. Et ils étaient confrontés à des missions. Et surtout la dernière, où ils devaient faire la sécurité pour une énorme cérémonie, justement, où la Confédération allait mettre de l'avant la grande solidité qu'avait la Confédération face aux humains, à l'intégration des humains. Mais tout a viré au cauchemar. Des extraterrestres, une implantation d'espèces de virus extraterrestres a tout simplement fait bousiller la chose. À la fin du tome 4, presque toute l'équipe de Sweeney et de Mesola, qu'elle s'appelle la Sanjar, sont laissés quasiment pour mort. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur non plus de remettre l'histoire en question, de jouer un peu avec voilà. ça. Voilà. Et au tome 5, eh bien, on commence avec un Caleb Sweeney dans le coma. Mesola est accusé de haute trahison pour ne pas avoir fait de divulguer certains éléments. Bref, et là, le complot se met au grand jour, on voit qui manipule tout ça, et là on fait tous les détails qu'on avait vus dans les quatre premiers albums, maintenant on fait OK. Mm-hmm. Et de nouveaux personnages apparaissent, entre autres une organisation isolationniste humain, qui sont contre la paix entre les deux races, humains et Sanjar. Bref, ça a l'air un peu confus, mais je vous dis, si vous avez déjà les quatre premiers, relisez les quatre premiers avant de lire le cinquième. Et si on les a pas... Commencez cette série, absolument. C'est ça, parce que ça veut dire qu'on manque quelque chose. Ah aussi. Oui, le cinquième. Et en plus, le cinquième, il y a la révélation du grand complot, mais il y a aussi cette course que... les deux agents, les deux personnages qu'on suit, Mesola et Caleb, doivent fuir absolument. Et cette fuite-là, elle nous laisse essoufflé. J'ai fini le tome 5 hier, j'étais essoufflé. Bon, c'est vrai que je suis pas très en forme, je suis mon sofa, mais... Je te pose une question rapide, Marco, parce que des fois, quand on dévoile des complots comme ça, on dévoile une mythologie, on le voit dans certaines BD où on manque d'espace. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on nous gave d'informations ou c'est tout en douceur? En fait, les quatre premiers mettaient vraiment en place tout ça. Mm-hmm. Mais avait dans des histoires complètes, je dirais. OK. Arrive le tome 5, et la tome 5 est comme un trait d'union avec ce qui va se passer. C'est-à-dire, toutes les deux premières missions des personnages se sont bien passées, sauf la quatrième, évidemment, au tome 4, tout s'écroule. Mais je veux dire, les histoires étaient complètes. Alors, le tome 5, il se fait à grande course d'action et de révélation de complot. Et là, c'est comme un trait d'union. Et je pense que là, le reste va être, à mon avis, space opéra. Et c'est pour ça que je dis space opéra. Je pense que cet album-là donne vraiment la poussée qu'il faut vers ce genre-là. Donc, c'est Orbital, c'est Orbital, tome 5. Le titre, c'est Justice. C'est de Serge Pellé et Sylvain Ronberg au scénario. Et c'est chez Dargaud. Ben, Marco Duchesne, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se dit également, nous aussi, à très bientôt. Et au plaisir de vous revoir pour une autre édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Et dans quelques instants, ce sera l'émission Soul Finger.